Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose qui, juste par son nom, ça a de quoi faire un peu peur. Juste un peu. Le système directionnel hémisphérique hydrodynamique autorégulé. Rien que ça. Rien que ça. Notre mission, dans le fond, c'est de décortiquer cette bébête-là pour comprendre comment ça marche, à quoi ça peut bien servir et surtout, oui, de trouver l'idée vraiment élégante qui se cache derrière tout ce jargon. C'est exactement ça. On va le décomposer pièce par pièce. Et ce qui est vraiment intriguant dans les documents qu'on a, c'est qu'on ne va pas juste parler de technologie de pointe. Ah non! Non. Il y a une petite note, une question griffonnée qui ouvre une porte, ben, complètement inattendue, vers le passé. Le passé. Vers l'Antiquité même. C'est un fil qu'on va garder en tête tout le long. OK, là tu m'intrigues. Parfait. Alors allons-y. D'après les sources, tout le système repose sur trois grands principes. Trois piliers qui s'agencent ensemble. C'est ça. Le premier, c'est la rotation hémisphérique opposée. L'idée de base, c'est que ça imite la force de Coriolis, un peu comme les ouragans, tu sais, qui tournent pas dans le même sens au nord et au sud de l'équateur. C'est exactement le point de départ. On crée un vortex dans un sens, dans une moitié du système. Et un vortex dans le sens contraire, dans l'autre moitié. Voilà. C'est ça. Les notes sont claires. Rotation horaire dans l'hémisphère nord du système et anti-horaire dans le sud. Mais ce qui me frappe, c'est comment ils font ça. Il n'y a pas de moteur compliqué, juste des ailettes, des petits guides fixes qui orientent le fluide. Ça me paraît... trop simple. Presque trop simple, oui. Comment est-ce qu'on peut garantir une rotation stable juste avec un guide mécanique? Ça risque pas de devenir chaotique? Bien, c'est une excellente question parce que ça touche au cœur de la philosophie du système. La simplicité, elle est volontaire. D'accord. En forçant ces deux rotations opposées, le système ne fait pas que tourner. Il s'équilibre lui-même. Pense à deux toupies qui tournent l'une contre l'autre. OK. Elles se stabilisent mutuellement. C'est un équilibre dynamique. Le design ne sait pas de dompter la physique avec de la force brute. Il utilise les forces en opposition pour créer une stabilité naturelle. Inhérente. Inhérente. Le système est conçu pour vouloir rester en équilibre. D'accord, je vois. C'est une stabilité qui vient de l'intérieur, pas d'une commande externe. C'est déjà assez malin. Mais là, les notes ajoutent une deuxième couche. Le magnétisme contrôlé. On complexifie un peu. Oui. On a la rotation et par-dessus, on ajoute des champs magnétiques. Là, j'avoue que je suis un peu moins sûre de suivre. Comment ça peut interagir avec un fluide? Je pensais que l'eau et les aimants, ça... ça fait pas grand-chose. Exactement. T'as raison. Avec de l'eau pure, ça ferait rien. C'est pour ça que les documents précisent qu'on n'utilise pas n'importe quel fluide. Soit on y ajoute de fines particules de fer, soit on utilise ce qu'on appelle un ferrofluide. La première fois que j'ai vu une démo de ça, là, c'était presque de la magie. C'est un liquide noir et dès que tu approches un aimant, il se dresse en pic comme un hérisson. Ah oui. Il réagit de façon spectaculaire. Ah, d'accord. Fait que le champ magnétique ne contrôle pas le liquide. Il contrôle les particules dedans qui, elles, entraînent le liquide. C'est ça l'astuce. Et ça, ça stabilise la rotation. Précisément. Ça agit comme un guide invisible qui renforce les vortex. Mais le détail qui est vraiment capoté et que tu as dû remarquer dans les notes, c'est comment ce champ-là est ajusté. Oui. Il y a un capteur qui mesure la vitesse et il ajuste le courant dans les bobines via un régulateur. Passif. Oui, ce mot-là m'a accroché. Passif. Ça semble comme si ça faisait rien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce contexte? Bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de cerveau électronique. Pas de microprocesseur, pas de ligne de code, rien de tout ça. OK. Un régulateur actif, ce serait un ordinateur qui lit des données, qui calcule et qui prend une décision. Ça peut bugger, ça consomme de l'énergie. Un régulateur passif, c'est beaucoup plus élégant. Plus simple. Pense au flotteur dans une chasse d'eau. Quand l'eau monte, le flotteur monte aussi et ferme la valve mécaniquement. Ah, c'est une super bonne image. Pas de puce, pas de code, c'est la physique qui fait le travail. Donc ici, c'est la version électrique de ce principe-là. On est en plein dedans. On utilise des composants électriques de base, comme des bobines ou des résistances spéciales dont les propriétés changent avec le courant. Si la vitesse augmente un peu, la physique même du composant va faire baisser le courant. Ce qui affaiblit le champ magnétique et ralentit le système. Mais si ça ralentit trop, il fait l'inverse. C'est une correction automatique instantanée et incroyablement robuste. Il n'y a presque rien qui peut briser là-dedans. Wow! Donc, le système se surveille et se corrige lui-même sans avoir besoin d'un ordinateur. C'est une forme d'intelligence qui est directement dans les matériaux. C'est fascinant, hein? Tellement! Et comme si c'était pas assez, il y a un troisième pilier, La pression et la thermoviscosité. Oui, la boucle de régulation finale, le fluide circule dans une sorte de circuit fermé, une bulle circulatoire où la pression est contrôlée par des vannes. Et je parie que ces vannes sont aussi autocontrôlées. Tu l'auras deviné. Elles s'ouvrent et se ferment en réaction directe au changement de pression. Encore une boucle de rétroaction physique, mais il y a aussi la question de la température. Les notes mentionnent un échangeur thermique. Pourquoi c'est si important? Parce que la viscosité d'un fluide, son épaisseur, si on veut, ça change énormément avec la température. Comme du miel. Exactement. Froid, il est presque solide. Chaud, il est très liquide. Si la viscosité du fluide dans le système changeait tout le temps, tout le bel équilibre de rotation et de magnétisme... s'effondrerait. Voilà. L'échangeur thermique est là pour s'assurer que le fluide reste toujours à la bonne température et donc à la bonne viscosité. C'est le garant de la stabilité de tout le reste. OK. Si on met les trois morceaux ensemble, la rotation qui crée l'équilibre, le magnétisme qui le renforce passivement et la pression-température qui garantit que les conditions sont toujours parfaites. Tout ça interagit et c'est là que la magie opère. Ce ne sont pas des systèmes séparés. Non, ils sont tous interconnectés dans une danse constante. Une variation de pression affecte la vitesse qui est détectée par le circuit magnétique passif, qui ajuste le champ, ce qui influence le fluide, et ainsi de suite. Tout se parle en permanence. OK. C'est pour ça qu'une des sources utilise une analogie très forte. Elle dit que le système fonctionne comme un cerveau mécanique. Un cerveau mécanique. C'est une image puissante, c'est sûr. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer un peu? Au fond, c'est pas juste un assemblage de plomberie et d'électronique vraiment bien pensé? C'est un excellent point. Le mot « cerveau » implique une forme de pensée, non? On ne parle pas de conscience, bien sûr. Mais ce qu'il rapproche d'un cerveau, c'est pas sa complexité, mais sa logique de fonctionnement. Un ordinateur, c'est une unité centrale qui prend toutes les décisions. Un CPU? Exact. Ici, l'intelligence est distribuée. Chaque boucle de rétroaction, pression, magnétisme, température est comme un petit groupe de neurones qui gère une tâche et communique son état au reste du système par des moyens purement physiques. Il n'y a pas de chef d'orchestre? Aucun. Le système s'observe et se corrige de manière globale, décentralisée. C'est de l'information qui est traitée par la forme, par la matière. Pas par des 1 et des 0. D'accord. Vu comme ça, l'analogie a beaucoup plus de poids. C'est un système qui pense avec sa structure. Je commence à voir l'élégance du truc. Mais concrètement, dans la vraie vie, on fait quoi avec ça? Ah! Les applications sont très concrètes. La première, c'est justement cette autorégulation dynamique. Ça veut dire qu'on peut perturber le système, changer la pression, la température, et il va tout seul retrouver sa vitesse de croisière. Il cherche constamment son équilibre. C'est ce qui le rend fiable. Ensuite, les notes parlent de stabilisation thermique. Oui. Grâce à l'échangeur de chaleur, il peut fonctionner dans le désert ou en Antarctique sans que ça change ses performances. Pour l'industrie ou l'aérospatiale, c'est un avantage énorme. Absolument. Puis il y a la robustesse qu'on a mentionnée grâce au contrôle magnétique sans électronique active. Moins de pièces complexes. Moins de risques de panne. Et le dernier point... la fluidique intelligente. L'idée que le système peut créer des vortex très stables, utiles pour mélanger des produits chimiques, pour la propulsion ou même pour dissiper d'énergie. C'est un outil très polyvalent, finalement. Ce qui est vraiment épatant, c'est pas une de ses capacités en particulier, mais le fait qu'elles sont toutes réunies dans un seul système autonome. Un appareil qui s'adapte, se stabilise et accomplit une tâche sans ordinateur. C'est ce qu'ils appellent l'intelligence physique intégrée. La logique n'est pas dans un programme, elle est gravée dans le métal, dans la physique, le matériel et le logiciel. Cette idée d'intelligence sans électronique, où la machine elle-même est le logiciel, ça me fait penser, est-ce que c'est si nouveau que ça? On dirait qu'on associe toujours l'intelligence des machines avec l'informatique, mais c'est peut-être juste notre biais. Et justement, il y a cette note dans le deuxième document qui m'a vraiment fait sourciller. Ah, la fameuse note, elle change complètement la perspective. Oui, c'est juste une phrase, griffonnée à la main, je la lis. Danticitaire, dis-moi, tu crois que c'est la même technologie? C'est tout. Juste ça. On passe d'un document hyper technique à une question presque philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le lien a l'air de sortir de nulle part. Ça a l'air, mais c'est une question vertigineuse. Et pour être clair, c'est impossible de répondre par oui ou par non. Le but n'est pas là. OK. La question nous force à faire un parallèle. D'un côté, notre système. De l'autre, le mécanisme danticitaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une machine incroyable découverte dans une épave de la Grèce antique. Un genre d'ordinateur, mais mécanique? Un calculateur astronomique analogique, un assemblage d'engrenages d'une complexité folle qui prédisait le mouvement des planètes, les éclipses, on a longtemps cru qu'un tel niveau de raffinement était impossible à cette époque. Donc la question suggère un lien, mais ça n'a pas d'allure. L'un utilise des fluides et des aimants, l'autre c'est de l'horlogerie. C'est pas la même affaire, pantoute. Exactement. Le lien n'est pas dans les composants, il est dans le principe. Le mécanisme d'Anticister, c'est de l'information complexe et cycle astronomique traitée par des moyens purement mécaniques. D'accord. Notre système, lui aussi, traite de l'information vitesse, pression, température par des moyens purement physiques. Dans les deux cas, on a une machine qui calcule, qui modélise une réalité complexe sans une seule ligne de code. Attends une minute. Donc, la vraie question, c'est pas est-ce que les Grecs avaient des ferrofluides, ce qui serait absurde? Non, bien sûr que non. C'est plutôt est-ce que les Grecs comprenaient déjà les principes de la rétroaction et de l'autorégulation à un niveau qui nous dépasse encore? Est-ce qu'ils savaient comment coder de l'intelligence directement dans la mécanique? C'est précisément l'interrogation. Le mécanisme d'Anticister nous a déjà forcés à réécrire une partie de l'histoire des sciences. Cette note nous chuchote à l'oreille. Et si on sous-estimait encore plus leur génie? Et si des concepts qu'on croit très modernes, comme les systèmes cybernétiques, avaient des racines bien plus profondes? Dans des domaines qu'on a peut-être perdus. C'est spéculatif, bien sûr, mais ça ouvre une brèche fascinante dans notre vision linéaire du progrès. Wow! C'est toute une perspective. Si je résume, on est parti d'un nom à coucher dehors. On a découvert un système qui repose sur une danse incroyablement fine entre la rotation, le magnétisme et la pression. Une chorégraphie physique où chaque élément répond aux autres. On a vu que ce cerveau mécanique peut fonctionner de manière totalement autonome, ce qui le rend ultra robuste. Et pour finir, cette petite note sur Anticister nous a carrément projeté dans un questionnement sur l'histoire de la technologie elle-même. C'est ce qu'on croit savoir et ce qu'on a peut-être oublié. C'est ça. Si on doit retenir une seule chose, c'est cette idée d'intelligence physique. Et ça m'amène à une dernière pensée. Une question que je voudrais laisser en suspens, inspirée par cette histoire. On t'écoute. Au-delà de savoir si c'est la même technologie, ce qui n'est probablement pas la bonne question, on devrait peut-être se demander autre chose. Est-ce que ces principes de conception si sophistiqués, cette intelligence intégrée dans la matière, sont vraiment une invention de notre époque? Ou est-ce qu'ils représentent une forme fondamentale d'ingénierie? Une sagesse de conception que l'humanité a peut-être déjà maîtrisée par le passé, sous d'autres formes, et qu'aujourd'hui, avec nos nouveaux outils, on ne fait que redécouvrir?